à moi songer, jour où t'es heureux. Je t'ai rencontré. Mais des moments dans la vie, qui a fait moi songer des moments malheureux. Quand tu m'as dit tout est fini, des minutes dans la nuit, qui a fait moi rêver des moments inoubliables que nous passions ensemble. Des minutes dans la nuit, qui a fait moi rêver des moments inoubliables où je t'ai embrassé. Je me souviens quand tu m'as dit tout est fini. En cas songer toutes les rêves, les moments difficiles. Oh non, va nous vivre tendrement, va nous vivre sentiment. Même si des fois ou qu'à sourire, pas ni d'amour, pas ni plaisir. La vie a des pages faciles, ni des moments qui difficiles. Même si des fois ou qu'à sourire, pas ni d'amour, pas ni plaisir. Oh,